بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد فهذا إن شاء الله مجلسنا الأخير في هذه اللقاءات إن شاء الله وهو المجلس الرابع في وصايا الشيخ صالح الشيخ حفظه الله تعالى donc c'est notre dernière rencontre إن شاء الله durant cette visite إن شاء الله et c'est le dernier cours dans cette série de cours qui sont les conseils généraux de Sheikh Salih ibn Abdel Aziz al-Sheikh Hafidhahullah Ta'ala. Et nous sommes dans le cinquième conseil qui est le fait de ne pas avoir trop de fréquentation. قال حفظه تعالى اذا المخالطه هذه يجب ان تصنف نفسك معها الى اي درجه تخالط dit Hafidhahullah Ta'ala et ceci est très important. Au niveau des fréquentations, il faut que tu vois ta situation dans les fréquentations. Il faut que tu te catalogues dans les fréquentations. Jusqu'à quand tu vas te fréquenter les gens? Et c'est qui tes fréquentations? Qui sont ceux que tu dois fréquenter, ceux que tu ne dois pas fréquenter? Et certaines personnes connaissent 100, 200 personnes. Masha'Allah. Et certains connaissent plus, sinon moins. ويظن أن كثرة المعارف هذه وكثرة إتيان هذا وهذا إنها أصلح للقلب. Il croit que le fait d'avoir beaucoup de connaissances, beaucoup de fréquentations, que ceci ça fait du bien au cœur. Il n'en est pas ainsi. ليست كذلك قال الإسلام. فصلاح القلب بقلة المخالطة. Le bien du cœur et la pureté du cœur vient avec le fait d'avoir moins de fréquentations. إلا ما كان بمخالطة في أمر بالمعروف ونهي عن منكر أو في علم أو دعوة أو خير أو فلاح فهذه المخالطة محمودة. Sauf la fréquentation qui sont faits au niveau du fait d'ordonner le bien, de blâmer le mal, d'enseigner ou d'apprendre avec des gens ou de faire dawa ou d'appeler vers le bien, ça c'est une fréquentation qui est louable et qui est louée et qu'il faut chercher. وإذا قل العبد المخالطة أنس بربه عز وجل أنس بالقرآن اشتاق لله جل وعلا اشتاق لكتابه et quand la personne a moins n'a pas beaucoup de fréquentation ben celui-là il prend plaisir à être orienté vers Allah subhanahu wa ta'ala à adorer Allah subhanahu wa ta'ala à orienter son cœur vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il prend plaisir à lire le Coran, à être en compagnie du Coran. Il prend plaisir, il a envie de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Il a envie de lire le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ne pas se séparer du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Contrairement, vous le voyez, contrairement à celui qui a beaucoup de fréquentations, ben les fréquentations, ils font que son cœur, il n'a pas vu tel. Donc il faut qu'il accorde. Son esprit est préoccupé avec ça. Il n'a pas vu tel, il n'a pas vu les autres, donc il faut qu'il aille. Donc quand est-ce qu'il va lire le Coran? Quand est-ce qu'il va s'arrêter avec lui-même, penser, méditer sur la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, penser à la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala? Non. Donc les fréquentations font du mal. إِذَا صَلَّ فَإِنَّهُ يَكُونُ لِلصَّلَاةِ فِي حَقِّهِ مَعْنَى فَإِنَّهُ يُنَاجِي ويحس أنه لن يكون مصرعا في طلب مخالطة للخلق ومنشغل بمناجات الله جل وعلا عن مناجات أو منادات الخلق ومخالطة. Et quand il prie, celui qui a moins de fréquentation, qui n'est pas préoccupé par les fréquentations, quand il rentre dans une prière, il prend plaisir à sa prière, il reste dedans. Et celui qui a beaucoup de fréquentation, il fait très vite, et c'est l'imam à Miskin, le temps de faire un peu comme il se doit, les génuflexions, etc. Ben lui, pourquoi il est lent, etc. Tout simplement, quand tu vas vers où il va aller, tout simplement, parce qu'il va aller à la rencontre de tel, parce qu'il a raté tel. Il sait que dans, si il ne rattrape pas tel dans 10 minutes, ils ne seront plus à la même cave. Et ainsi de suite, Vazinta. Il est préoccupé par quelque chose. C'est pour ça que son esprit n'est pas complètement dans la prière. C'est pour ça que les mauvaises rencontrations, et trop de fréquentation joue sur l'adhération de la personne et sur sa concentration. Mais celui qui n'est pas préoccupé par les fréquentations, bah évidemment, il est concentré dans son adoration, il est concentré dans sa lecture du Coran. Donc tout ce qu'il fait comme acte d'adoration, il a son être qui est complètement dedans. Son corps est complètement dedans. Il dit le Cheikh, « Talhad min nafsik » أن الذي يكثر المخالطة ويكثر الحديث مع الناس حتى على أبواب المساجد قبل الإقامة أنه إذا دخل الصلاة لا يدخلها بقلب خاشع، لا يدخلها بقلب قد ظهر عليه بتقييمه لنفسه لذة مناجاة خالقه جل وعلا، وذلك لأن كثرة الخلق تقتضي كثرة سماع كلامهم، وكثرة السماع تشغل القلب وتشغل العقل إلا ما كان في حق وهدى. Elle dit, tu l'observes de toi-même, il dit Cheikh Hafidhahullah Ta'ala, que celui qui a beaucoup de fréquentation, celui qui discute beaucoup avec les gens, même devant les portes des mosquées, alors c'est quelque chose de, tu vois, l'Adan, ce fait état encore des jeunes, blablabla bla, bla, bla, devant la mosquée. Hein? Ils ne prennent même pas le temps de répondre à le mu'addin, ni d'y rentrer. Et des fois, le qama, ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de parler dehors. Regardez tout le bien à côté duquel ils passent. Hein? Et quand ils rentrent dans la mosquée, parce que tellement ils sont préoccupés par la discussion qu'ils avaient, tu crois que ceux-là, ils vont avoir un cœur concentré? Ils sont pris par quoi? Par la discussion dans laquelle qu'ils ont entamé entre eux. Hein? Et Cheikh dit, il ne va pas rentrer dans la prière avec concentration. Hein? Et il n'aura pas ce goût hein, exquis du fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le fait, le beaucoup de fréquentation implique que tu écoutes beaucoup les paroles des gens. Et le fait d'écouter beaucoup les paroles des gens, ça préoccupe le cœur. Il est préoccupé parce que tu as entendu de celui-là. Tu as entendu de celui-là. Il est évident que ton cœur travaille et pense à ces idées, à ces choses que tu as entendues. Hein? Sauf, Ada, ça concerne quoi? Les choses mauvaises et les choses qui sont futiles. Mais ce qui est au niveau de la science, ce qui est au niveau de la sunna, etc., Ada, il n'y a pas de problème. Hein? Cela. Il faut faire la part des choses dans les deux. Hein? Ce qui concerne Sunna, ce qui concerne hein, la science, ce qui concerne notre prophète alayhi salatu wassalam, ce qui concerne le Coran, hada c'est louable d'entendre. Hein? Mais ces chers, il attire l'attention sur le fait, sur ces fréquentations, ces discussions qui se forment, trois personnes, quatre personnes devant la mosquée, des fois, c'est même pas concernant la religion, c'est autre chose. Hein? يقول الشيخ إذن فالمخالطة يجب أن توزن بميزان وأن تنتبه لها في نفسك كذلك في من تعول كذلك في من حولك كذلك في من توجه أخلاق أو صديق أو ابن أو بنت إلى آخر أصناف الناس يأتي ويخالط هذا ويخالط الثاني والثالث كم له من أصحاب دي الشيخ حفظه الله تعالى au niveau des fréquentations il faut les peser il faut faire très attention aux fréquentations. Il faut que tu fasses très attention à ce niveau-là. Il faut que tu fasses très attention pour toi-même. Tu fasses très attention aux fréquentations de tes enfants. Fréquentations de ta femme. Hein? Et aux fréquentations de ceux qui sont autour de toi. Et aux fréquentations de ceux que tu orientes. Aux fréquentations de ton frère, de ton ami, de ta fille, de ton enfant, et ainsi de suite. Hein? Ah, il fréquente celui-là, il fréquente celui-là, vas-y. Combien il a? Il faut que tu vois ton enfant. Combien il a? Qui il fréquente? Combien de... Hein? Combien de copains il a? Qui ils sont? Hein? Comment ils sont dans leur comportement? Et ainsi de suite. À tout ça, tu dois faire très attention. Ta femme aussi, la même chose. Hein? Évident que, hein, des fois, certains couples partent en dérive. Pourquoi? Parce qu'il y a des mauvaises fréquentations, c'est la femme. La femme, elle, la sœur est mariée avec un frère. Mais seulement on fait partie de ces fréquentations une divorcée. Quelle est la liberté? Et qui conduit la voiture? Et qui? Vas-y, ce qu'il va faire donc. La jalousie. La femme sent l'amertume de la solitude. Mais tellement il voit le bien de cette sœur qui est bien avec son mari, avec son enfant, qui va les détruire. Qu'il le veuille ou non. Elle, il va venir comme quoi il est bien. Le fait d'être mère seule, avec un enfant, ça touche tant, ça c'est avantage, je peux voyager, je peux faire cela, etc. Tu vois bien que ceci, il le dit, pourquoi? Et tout simplement pour hein, combler cette solitude qui vit. Mais derrière ça, qu'est-ce que ça fait dans l'esprit de l'autre femme hein? Après, tu vois l'autre sœur qui a un mari, etc. Et c'est parce qu'il se trame, ben, la pauvre, il tombe dans le panneau. Hein? Et il commence à demander des choses à son mari, à vouloir des choses qui n'en sont pas, qui sont incompatibles avec la religion de Allah, et ainsi de suite. D'où ça vient ? Fréquentation. Et après, tu regardes, hein, la femme, regarde leur fréquentation, c'est quoi ? C'est pas un problème. Ça ne veut pas dire qu'on coupe leur liberté, loin de là, après. Si on veut pour nos femmes, pour nos enfants, l'agrément d'Allah. Si on ne le veut pas pour notre femme et pour nos enfants, pour qui on le souhaite, hein? On promet, on le souhaite à eux. Hein? Et fait partie du fait de vouloir le bien, c'est de savoir si, hein, ils sont dans la compagnie de quelqu'un de bien et de quelqu'un qui est dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, ou là, en compagnie d'une vipère à cornes. Hein? La vipère à cornes, il va leur faire du mal. Il va faire du mal au couple. Ça va atteindre aussi les enfants et ainsi de suite. Hein? Si les filles, combien de filles il côtoie, combien de copines il a, il faut aussi ses copines, hein? Il en va de l'éducation, de ton éducation de tes enfants, hein? Et dis-toi bien, même dans ce monde rationnel et cartésien, combien eux-mêmes ils font attention où, hein, aux fréquentations de leurs enfants. Dans leur milieu aisé, ils ne veulent pas que leurs filles, que leurs garçons fréquentent n'importe qui. Et laisse-nous dire, hein, non, vous acharnez, vous ne donnez pas de liberté à vos enfants. Ils font de même. J'ai eu la déclaration de certaines personnes, très grandes, discutées comme ça, etc. Et ils me disent, on fait attention à nous. On ne veut pas que nos enfants fréquentent n'importe qui. Et on fait attention. Qui, avec qui il va, chez qui il va passer la soirée, avec qui, etc. Hein? Homme. Alors, il ne faut pas... Hein? Où il est la liberté dans ces cas-là? Et la liberté, il est dans l'obéissance à Allah, subhanahu wa ta'ala, et dans l'agrément d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Hein? Et c'est une responsabilité, l'éducation des enfants est une responsabilité de laquelle nous devons répondre devant Allah, subhanahu wa ta'ala. Hein? Et si tu ne remédies pas à ce problème, tu ne remplis pas ton devoir, et de savoir qui? Combien de personnes? Ils ne savent pas. Le garçon, il va, il vient, etc. Il ramène de l'argent à la maison. Balak. La meilleure des solutions qui te dit, mon fils, mashallah, c'est un garçon, il est extraordinaire. Quoi? Il m'a acheté la voiture. D'où il vient l'argent? Je ne sais pas. Tu ne te rends même pas compte. La voiture, il vaut 10 000 euros. Il te l'a payé cash. Il n'a que 18 ans, il a 19 ans. Qu'est-ce que tu es en train de dire, mashallah? Quel mashallah? Tu l'encourages dans le mal. Hein? C'est le jeune. Il y a des jeunes qui gagnent par la sueur et par le commerce licite, etc. Il n'y a pas de problème. Là, on ne parle pas de ce cas-là. Là, c'est clair et net. Mais on parle de... Hein? Vous voyez ce que je veux dire? Hein? L'argent facile, et ainsi de suite. Hein? Et là, le père, il n'y a pas de problème. C'est pas grave. Hein? La fille, c'est pas grave. Où est-ce qu'on va? Hein? Et donc, on est responsable. Il faut qu'on voit qu'est-ce qu'on fréquente, nous, que fréquentent nos enfants, que fréquentent nos femmes, etc. Pour remédier à tout ça. Hein? Sahib, sahib, le compagnon, ou l'ad, celui à qui tu te fréquentes, etc. Il a l'effet de l'aimant. Si c'est un bien, il va te tirer vers le bien. Alhamdulillah. Et si c'est un mauvais, il te tire vers le mauvais. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, salam ala avion. تجد أن لها عددا أو أن له عددا وهذا لا شك أنه يحدث أنواع من المفاسد فالمربي كما أنه يربي نفسه على قلة الخلطة والاختلاط إلا فيما ينفع كذلك ينبغي له أن يكون في تربيته لمن حوله إذا كان لابد أن يخالط فأن تكون مخالطتهم وأن تكون أصدقائهم عددا محدودا وهذا من الأمور التي ينبغي أن ينتبه على المربون خاصة في البيوت وأولياء البيوت. Non, tu vois que le fils, la fille, ils ont beaucoup de fréquentation. On n'y fait même pas attention. Il n'y a aucun doute que le fait d'avoir beaucoup de fréquentation, ça amène beaucoup de mal. Hein? Et l'éducateur qui doit s'éduquer lui-même et a au fait de ne pas avoir beaucoup de fréquentation, sauf les fréquentations qui vont être utiles dans sa religion, hein? Et dans ce bas monde et dans le delà. Hein? il en est de même, il est obligatoire pour lui de faire attention à ce qu'il éduque parmi ses enfants, parmi etc. Qu'il regarde un petit peu et qu'il les oriente vers le fait d'avoir moins de fréquentations et que les fréquentations qu'ils doivent choisir, que les fréquentations qui vont être d'un apport bénéfique pour eux au niveau de leur religion, au niveau de leur vie, etc. Et pas n'importe quoi. Et nous devons faire très attention, et les éducateurs, et tout un chacun de vous qui est père est un éducateur. Il a la responsabilité de l'éducation de ses enfants. Il doit prendre en considération ce point-là. Et le point d'attirer l'attention de nos enfants, de nos femmes, sur les fréquentations. Wa yaqulu al-shaykh al-wasiyatu as-sadisa taqdimu hubbi Allah wa rasuli amma siwahuma. Et il dit, hafidhahullah ta'ala, le sixième conseil, c'est de mettre en avant l'amour d'Allah et de son messager au devant de toutes choses. L'amour d'Allah et de son messager doit passer sur devant toutes choses. فهذه يقول الشيخ وصية عامة وخاصة هي عامة لجميع الناس وخاصة لخاصة الناس. Il dit ça, c'est un conseil général et un conseil particulier. Il est dit, il est général à tous les gens. Il est particulier aux particuliers parmi les gens. ألا وهي أن يكون الله جل وعلا ورسوله عليه الصلاة والسلام أحب للمرء مما سواهما. Il dit, c'est le fait que Allah subhanahu wa ta'ala et son messager soit ce que l'être humain aime le plus dans ce monde. Il n'y a rien qui passe. Il doit être l'amour d'Allah et de son messager. Il doit être au-devant de tout, au-dessus de tout. وَهَذِي مِنْ أَصْبَابِ تَحْصِيلِ لَدَّةِ الْإِيمَانِ فِي الْقَلْبِ. Et ça, c'est un des moyens pour goûter au goût exquis de la foi dans le cœur. La foi a un goût exquis. Mais pour le goûter, voici l'un des moyens. Rasoul a dit trois choses. Quand l'être humain il les a, il acquiert avec, il goûte avec le goût exquis de la foi. Et que Allah subhanahu wa ta'ala et son messager soit la chose, soit ce qu'il aime le plus dans ce monde. Hada c'est l'une. Ida kana Allah jalla wa ala wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam ahabba lil 'abdi min kulli ma siwahuma min nafsik min ahlik min ad-dunya min al-mal min ash-shawawat fa inna hada yutmiru ta'alluqan lil 'abdi bil akhirah wa imtitalan fi hadhihi ad-dunya li amri Allah jalla wa ala wa amri rasulihi sallallahu alayhi wa sallam wa yutmiru tarka al-ahwa wash-shubuhat wash-shahawat. Quand le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala aime Allah et son messager plus que ce monde et ce qu'il contient, cela, plus que lui-même, plus que sa femme, plus que ses enfants, plus que sa fortune, plus que les tentations, plus que cela, qu'est-ce qu'il va faire chez l'être humain? Il va en découler chez l'être humain le fait que cette personne va être attachée à l'au-delà. Il va faire que la personne va mettre en application les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et s'abstenir de ses interdits. Donc il va accomplir tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala agrée. Il va s'éloigner de tout ce qui ramène la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il va délaisser de côté les passions, les ambiguïtés et les tentations. Parce que quand l'être humain, il aime Allah et son messager plus que son monde et ce qu'il contient, il va accourir pour accomplir cet amour comme il se doit. وهذه المحبة لأن العبد إذا كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما فإنه يسعى إلى أن تكون هذه المحبة صحيحة وهذه المحبة إنما تكون صحيحة بأن يتعرف العبد على ما جاء في القرآن وما جاء في السنة. Et il dit, Hafidhahullah ta'ala, quand le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala aime Allah et son messager plus que ce monde et ce qu'il contient, ben il va accourir à accomplir cet amour comme il se doit. Et cet amour va être comme il se doit, il va s'accomplir comme il se doit quand l'être humain s'acharne à savoir ce qui a été transmis dans le Coran, ce qui est rapporté dans le Sunna, et quand il le sait, il le met en application, il œuvre avec. C'est-à-dire, cet amour va s'accomplir comme il se doit. En faisant quoi? En mettant en application ce que veut de nous Allah subhanahu wa ta'ala, avec preuve. Et en s'acharnant à connaître dans le Coran et dans l'authentique de la Sunna ce que veut de nous Allah subhanahu wa ta'ala pour le mettre en application. Et à savoir ce qu'il y a dans le Coran, ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit dans le Coran, ce qu'il nous a interdit dans le Sunna pour s'en éloigner. C'est comme ça que va s'accomplir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager alayhi salatu wa sallam. ولي شيخ الإسلام رحمه الله كتاب عظيم اسمه قاعدة في المحبة وبنى هذا الكتاب على هذا الحديث وقال فيه يعني قاعدة الكتاب إن المحبة هي المحركة فمحبة صاحب الدنيا للدنيا هي التي حركته لهذه الدنيا et il dit حفظه الله تعالى شيخ الإسلام ابن تيمية un grand livre c'est une petite رسالة mais qui est énorme qui est une règle dans l'amour et cette risale a sa base part de ce hadith talatun man kunna fih et dans ce livre il en sort que l'amour c'est elle qui fait bouger la personne, si la personne aime ce bas monde ben il va bouger pour ce bas monde et si il aime Allah et son messager il va bouger il va accomplir les actes qui vont lui prévaloir, qui vont prouver l'amour d'Allah et l'amour de son messager, alayhi salatu wassalam. Et comment ça, il va le prouver ? Qul in kuntum tuhibbuna Allah, fattabi'uni yuhibbukum Allah. Dites, si vous aimez Allah, suivez-moi Allah, il vous aimera. C'est-à-dire en suivant Mohammed, alayhi salatu wassalam. Et pour ce faire, il est obligatoire, on revient à ce qu'il a dit cher auparavant, que la personne va s'acharner à connaître ce qu'il y a dans le Coran, ce qu'il y a dans le Sunna, pour le mettre en application. Pour prouver son amour d'Allah et de son messager, alayhi salatu wassalam. فَإِذَا حَبَّ الْمَالِ تَحَرَّكْ قَامَ أَخِرَ اللَّيْلِ أَجْلِيَنِي ذَبِي لِلْمَكَالِ الْفُولَانِ في الوقت الفولاني. Quand la personne aime l'argent, bah il va même se réveiller au dernier tiers de la nuit pour aller à l'endroit où il va. Même si il travaille de nuit, il travaille jour et nuit, etc. Il va parce qu'il a l'amour de l'argent dedans. Donc il va utiliser tous les moyens pour y arriver. محبه بعض الرجال للنساء وللشهوات تجعله يتحرك في ذلك ولو بذل وقتا ومالا الى اخره. Le fait que certains sont aiment les hommes, la aiment les hommes qui aiment les femmes et ainsi de suite et elles aiment les tentations etc. Ils bougent pourquoi? Ils bougent dans ce sens-là. Tous les efforts, leur façon de s'habiller, leur dégaine etc. ils sont voués à quoi? Ils sont tournés vers la tentation qui les attire vers les femmes. Font tout pour assouvir cette tentation et pour arriver à assouvir cet amour de qu'ils ont des femmes. Et ils utilisent tout ce qu'il y a dans leurs moyens. Mahabbatu al-ta'a al-ta'a ja'alatuhum yatahrakuna al-ta'a. Et ceux qui aiment l'obéissance fait qu'ils vont bouger pour l'obéissance, pour accomplir les actes de Allah subhanahu wa ta'ala. Amen. Mahabbatu ahli al-islah lil-islah ja'alatuhum yatahrakuna fil-islah. Ceux qui aiment réformer comme il se doit, et remédier aux lacunes, etc., et remettre les choses sur le rail, ceux-là, ils vont bouger dans la réforme, dans la bonne réforme, etc. إِذَا كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ لِلْعَبْدِ مِمَّا سِوَاهُمَا فَإِنَّهُ يُنْتِجُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ تَكُونَ حَرَكَةُ الْعَبْدِ وَتَحَرُّكُ الْعَبْدِ لِلَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ وَفِي أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ لِلْخَلْقِ وَلَا لِأَحَدٍ لأن المحبة هي التي تولد الحركة هذا أصل وقاعدة ولها تفريعات هذا أصل وقاعدة ولها تفريعات donc quand l'amour d'Allah et l'amour de son messager عليه الصلاة والسلام quand l'être humain aime Allah et son messager plus que ce monde et ce qu'il contient cela il va en découler quoi que le mouvement de la personne les actes que va faire la personne il va les faire pour mettre, obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, mais nous, en application des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, les ordres de son messager alayhi salatu wassalam. Et ces actes vont être pour Allah et pour quelqu'un d'autre. Il n'y aura rien pour quelqu'un d'autre, sinon pour Allah. Car c'est l'amour qui a fait, l'amour d'Allah et de son messager qui a fait naître ce mouvement en la personne. Et là c'est une base et c'est une règle de laquelle vont découler beaucoup d'autres choses. من تفريعاتها أن محبة الله جل وعلا ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتضي أن يكون العبد محكما لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على نفسه دون غلبة الهوى. Il fait partie des détails qui vont découler du fait d'aimer Allah et d'aimer son messager, alayhi salatu wassalam. Cela va impliquer que l'être humain va, son nefs, il va être géré par les lois d'Allah, subhanahu wa ta'ala, par la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et par la parole du prophète, alayhi salatu wassalam. Il va être soumis, il va soumettre son être à Allah, aux ordres d'Allah et aux ordres du messager, alayhi salatu wassalam. Et les passions ne vont pas prendre le dessus. C'est lui qui va prendre le dessus sur les passions. Et son œuvre, il va le soumettre aux lois d'Allah subhanahu wa ta'ala et aux directives de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. لِأَنَّ الْبَحَبَّةَ كُلَّمَا زَادَتْ كُلَّمَا تَخَلَّصَ الْعَبْدُ مِنَ الْهَوَى. Plus l'amour augmente, plus l'amour d'Allah et de son messager augmente, plus la personne se débarrasse de ses passions. وَالْهَوَى مُرَكَّبٌ قَالَ بَعْدُ الْأُدَبَى مُرَكَّبٌ يلد للقاصر الغريق وهو مركب يلد للقاصر الذي لا يعرف العاقبة ولكن النهاية يغرق في هذا المركب. الهوى هو أحد أعظم الأسباب التي تصرف عن محبة الله ورسوله إذ فتم أصل ونتيجة. إيه الجي حفظه الله تعالى car الهوى c'est quelque chose de composé, c'est une barque. Et celui qui monte cette barque, il risque de se noyer. Il n'y a aucun doute. La barque des passions va noyer la personne. Hein? Il est évident que les passions amènent la personne vers un lieu dont il ne connaît pas la fin. Les passions, ils sont nombreux. Ils n'ont pas de limite. Hein? Ils n'ont pas de limite. Ils vont l'amener. Et sa fin, ça va être quoi? Ça va être le fait d'être englouti dans les passions qui ramènent quoi? À la fin, la colère d'Allah Azza wa Jal. Et les passions, c'est l'une des plus grandes choses, l'une des plus grandes causes qui détourne la personne du fait d'aimer Allah et d'aimer le messager d'Allah Azza wa Jal. Quand les passions s'accaparent d'un cœur, il est évident qu'il ne va pas y avoir la place dans ce cœur à l'amour d'Allah et à l'amour de son messager, alayhi salatu wassalam. Et ça, il faut savoir une chose qu'il y a, une source, une base, mais il y a aussi des résultats qui ont découlé après. Al-asl, mahabbatullahi jalla wa ala. Wa natijutu hadi al-mahabba, tarkul hawa. L'origine et la base, c'est aimer Allah, aimer son messager. Le résultat, c'est quoi? C'est délaisser les passions. Hein? Délaisser les passions et s'en éloigner. Faman kana indahu ba'du al-hawa, imma fi shubuhat, ou fi shawawat, فينتج من ذلك التعقيد أن محبته لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم محبة ناقصة. Quant à la personne qui a un peu de passion, un peu d'ambiguïté, quelques tentations, cela il en résulte de cette situation que l'amour de la personne à Allah, l'amour d'Allah et l'amour de son messager, c'est cette personne, il n'est pas complet, il est diminué. Pourquoi il est diminué? Parce qu'il y a d'autres choses qui prennent la place, les tentations et les passions. Hein? Donc il est évident que ça diminue. Hein? L'amour d'Allah et l'amour du messager chez cette personne. ألا وهو محبة الله جل وعلا ومحبة رسوله فإنه ينتج عنه ترك الهوى والهوى لا بد أن يذكر بعض مظاهره لأن تعظيم المحبة سببه ترك الهوى. Il est dit dans le verset, dites si vous aimez Allah, suivez-moi. Suivez qui? Mohammed alayhi salatu wassalam. Allah, il vous aimera et il pardonnera vos péchés. Certains de nos plusieurs d'Allah alayhim ont dit la situation, c'est pas que toi tu aimes. Hein? La situation, c'est que tu sois aimé. Hein? Et prends comme exemple, combien de jeunes, ou là combien d'hommes, aiment une femme et la femme ne les aime pas. Et ils souffrent. Alors, ils aiment, mais ils souffrent. Parce que la situation, ce n'est pas le fait d'aimer, c'est le fait que toi, tu sois aimé. Et donc, la situation, ce n'est pas le fait qu'on prétend qu'on aime Allah et son messager. Mais la situation, c'est qu'on aime, qu'on soit aimé par Allah. Et comment se faire? Il n'y a qu'un seul chemin, il n'y en a pas deux. Suivre Mohammed A.S. C'est le seul. Certains peuvent se dire, comment je peux savoir si je suis aimé par Allah? Regarde combien tu mets en application les ordres d'Allah. Regarde la valeur de la sunna de Mohammed A.S. dans ta vie et comment tu l'as mis en application. À ce moment-là, tu sauras si tu es aimé par Allah ou là tu n'es pas aimé. Parce que le verset, il est clair. Dites, si vous aimez Allah, suivez-moi. Suivez qui? Mohammed A.S. Qu'est-ce qu'il va en résulter? Que Allah vous aime. Donc, tu veux le savoir? C'est simple. T'as pour le savoir. Regarde. Ton rapport avec la sunna. Ton rapport avec la sunna de ton messager, alayhi salatu wa sallam. Comment tu la mets en application? Hein? Et c'est par rapport à ça que tu sauras ta valeur. Et si tu es aimé par Allah, azza wa jal, ou là tu ne l'es pas. Et donc, la situation, ce n'est pas d'aimer ou de prétendre aimer. Mais c'est la situation, c'est de que tu sois aimé. Et quand le serviteur de Allah est dans cette base, qui est le fait d'aimer Allah et d'aimer son messager, il en résulte quoi? Il en résulte qu'il va rejeter les passions. Il va combattre les passions. Il va les foutre dehors de son cœur. Et il n'y a aucun doute que les passions, hein, cher, il dit, il faut citer certaines apparences des passions. Car le fait d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala, sa cause, c'est délaisser les passions. Le fait d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala, hein, sa cause qui nous permet d'arriver à ce point-là, c'est aussi de rejeter. Rejeter les passions est une des causes qui va nous pousser à aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min madahir tahkim al-hawa an yu'attil al-mar'u ta'atullah jalla wa ala wa ta'atu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fi ba'd an-nusus lima alifahu aw lima ta'allamahu aw lima nasha'a alayhi. Et il dit, fait partie de certaines apparences. Faites comme quoi les passions se sont accaparées de quelqu'un et dirigent quelqu'un. C'est qu'il ne met pas en application certains ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'oublie pas Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'oublie pas certains ordres du prophète alayhi salatu wassalam. Hein? Parce qu'il est dans une situation qu'il trouve normale. Il s'est habitué à ces situations. Et ces situations sont en divergence avec Mohammed alayhi salatu wassalam, mais il se laisse dedans. Hein? Ou alors, c'est ce qu'on lui a appris. Mais après, quand il a su le contraire, il n'a pas mis en application. Ou alors, il a été éduqué. Il a grandi sur cette situation-là, qui est en divergence avec la sunna de Mohammed alayhi salatu wassalam. Et donc, mais ce n'est pas parce que tu as grandi dessus que tu dois mourir dessus. Là, maintenant que tu connais ce que veut de toi Allah, et ce que t'enseigne la sunna de Mohammed alayhi salatu wassalam, tu dois le mettre en application. Et tu dois changer. وَالْهَوَا قَدْ يَكُونُ سَبَبُهُ الْإِلْفِ يَكُونُ أَلِفَ شَيْئًا حَتَّى يَكُونَ صَرَاهَ وَاللَّهِ وَرَغْبَةً وَحَتَّى يَظُنَّ أَنَّهُ الْحَقِّ. Il hawa, les passions, ça peut être quelque chose, il a eu l'habitude de faire. C'est devenu une habitude chez lui, si c'est pas de ça. Et ce hawa est devenu quelque chose qu'il aime. Hein? Et il a une envie dans cette chose-là. Jusqu'à tel point qu'il croit que ça, c'est la vérité. Pourtant, ce ne sont que des passions. Il le prend comme la vérité. Il peut être aussi, il a grandi sur une situation et il continue à la faire. Ça, c'est le hawa. Parce que si cette situation est contraire à ce que veut de toi Allah, subhanahu wa ta'ala, tu dois la délaisser à l'islam. Si cette situation dans laquelle tu as grandi, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam l'interdit, et il est en contradiction avec la sunna, tu dois la délaisser à l'islam. وَهَذَا الَّذِي نَشَعَ عَلَيْهِ غَلَبَ عَلَى عَقْلِهِ وَغَلَبَ عَلَى لَوْبِهِ حَتَّى صَرَى هَوَلَّا. Et la situation dans laquelle il a grandi, hein, il s'est accaparé de son esprit, de sa raison, hein, jusqu'à tel point qu'il s'est accaparé de son corps et c'est devenu une habitude pour lui. Ça y est, il est dedans. Hein? Ils sont devenus comme une seule personne. Lui, cette chose, c'est une seule personne. Sallallahu subhanahu wa ta'ala salam wa l'afiyah. Wa yakunu al-haqq fi ghayri. Alors que la vérité, il est dans autre chose qui est contraire à ce qu'il est en train de faire. المرء لأجل محبته لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يخلص نفسه من أن يكون له هوى في شيء إلا بما جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وهذا طبعا حديث ضعيف ولو كان معناه صحيح إيه الدي حفظه الله تعالى إيه l'être humain, pour l'amour d'Allah Azza wa Jal, et pour l'amour qu'il a du prophète alayhi salam, pour ça, il doit purifier son nefs, et débarrasser son nefs de tout ce qui est passion, toute chose qui est en contradiction avec la parole d'Allah, avec l'authentique de la sunnah du prophète alayhi salam. Si tu aimes Allah, si tu aimes son messager, tu dois t'en débarrasser, et purifier ton cœur et ton nefs de ces choses-là. Sauf, tu dois te cramponner quelque chose. Même si tu as été éduqué là-dessus, et tu as grandi dans cette situation, si elle est contraire à la sunna et aux ordres d'Allah, tu dois la délaisser, t'en débarrasser, nettoyer ton cœur de ça. Pourquoi? Parce que tu aimes Allah, tu aimes son messager, tu dois t'en débarrasser. Hein? Comme il a été rapporté, cher, il dit, comme il a été rapporté dans le hadith, où il est dit, une personne parmi vous n'aura pas la foi complète jusqu'à ce que ses passions suivent ce que j'ai ramené, c'est-à-dire jusqu'à ce que les passions de la personne suivent ce qu'a ramené le prophète alayhi salatu wassalam. Il faut savoir que ce hadith, il est faible. Le sens du hadith est bon. Cheikh Saleh Al-Sheikh, il a une position là-dessus. Il dit que l'imam Nawawi a pris comme authentique ce hadith. Et ce hadith, il y a beaucoup d'hommes de science qui l'ont mis faible, et d'autres l'ont mis, comme l'imam Nawawi, authentique. Seulement, Cheikh Saleh Al-Sheikh, il voit aussi que le fait que ce hadith, il y a certains versets qui rendent valide et correct le sens de ce hadith. Donc par cela, il dit, compte lui pour lui, compte le hadith, il y a un verset qui rend véridique le sens du hadith, pour lui il est véridique, il est authentique le hadith. Mais la majorité des grands authentificateurs d'hommes de science, ce hadith, ils le rendent faible. Mais n'importe comment, le hadith, il est là comme compagnon. Comme quoi, il ne faut pas suivre ses passions. N'importe comment, on n'a pas à mettre nos passions dans... Hein, et nous, ce que nous devons mettre en avant, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam aime. كذلك النشأة كما ذكرت هذه قد تكون أنفع للشباب لها أطر في أن يكون صاحب هوى قد ينشأ على قول يظنه حقا ويعتمد ذلك القول ويدافع عنه ولا ينظر إلى النصوص التي ربما دلت على خلاف ذلك القول. Et aussi le fait d'avoir grandi dans un milieu ou d'avoir grandi sur une idée, comme il a cité Shir, il dit, le fait d'avoir grandi peut-être peut être bénéfique pour le jeune ou là peut avoir un mauvais impact dans la vie de la personne. Il va naître sur une idée qui est une passion, qui est mauvaise. Hein? Donc dans ces cas-là, il va naître avec une idée qu'il pense qu'il est vrai. Il va prendre comme point de départ cette parole, cette idée, il va la défendre. Hein? Il ne va pas regarder les textes, parce qu'il a grandi avec cette idée. Il a grandi dans... Donc, si c'est une bonne idée, qui est compatible avec les textes, il va lui être bénéfique. Mais si l'idée, il est en contradiction avec les textes, ben, il va être néfaste pour la personne. Hein? Quand les textes vont à l'encontre, ça va être néfaste pour la personne. L'idée dans laquelle il a grandi. Ici maintenant, les textes prouvent la situation dans laquelle il a grandi cette personne. Toute la louange revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha dallat ala khilafihi fa inna mahabbat Allah jalla wa ala wa mahabbat rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Wa inna kawn Allah jalla wa ala wa kawn rasulihi ahabbu ila al-'abd mimma siwahuma yaqtadi an yatruka al-hawa. Mais si maintenant les textes vont à l'encontre de cette idée sur laquelle a grandi cette personne, l'amour d'Allah, l'amour du prophète alayhi salatu wassalam, fait que le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala aime Allah, aime son messager alayhi salatu wassalam, il va délaisser cette idée de côté, il va mettre de côté ses passions. Et ça implique qu'il doit mettre en application la parole d'Allah et l'authentique de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. كذلك أن يسعى في تلقي العلم وتلقي ما يعتقد وتلقي ما يعمل به على ما دلت به النصوص. Donc ça implique qu'il doit laisser cette idée qu'il a reçue et il doit apprendre et mettre en application les textes qui sont véridiques. Il laisse cette idée qui est incompatible et qui est en contradiction avec le texte. قال بعض أهل العلم إن للتربية وللعلم أثرا في الطباع كما أن لرضاعة الصغير أثرا في الطباع. الصغير إذا أرضعته من عندها صفات مدمومة ربما أتت هذه الصفات يأتي بها الرضاعة. Certains hommes de science ont dit, frère en Allah, l'éducation et la science ont un impact sur la nature de la personne et sur le comportement de la personne. Comme aussi le fait d'être allaité, l'allaitement a un impact sur le comportement et la nature de la personne. C'est-à-dire que le petit, s'il est allaité par une femme qui a des mauvaises idées, mauvais comportements, peut-être que son mauvais comportement et ses... va passer au petit à travers l'allaitement à l'islam. وَلِهَذَا جَاءَ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الرِّضَاعَةَ نِسْبَةٌ فَلَا تُسْقِي مِنْ يَهُودِيَةٍ وَلَا نَصْرَانِيَةٍ. C'est pour ça qu'il est rapporté de certains puiseurs d'Allah alim que le rida'a fait partie de la généalogie de la personne. Donc ne donne pas ton enfant pour l'allaitement à une juive ou à une chrétienne. وقد كان بعض العلماء خطيبا فحلا يؤثر في الناس وكان مهتما برضاع احد اولاده حتى انه حرج امراته في ان يرضع ذلك الولد الا هي او الا من يعلم. فحصل مره انه اتت ذلك البيت امراه وكانت ترضع وارضعت ذلك رضعات في غيبه من الوالد حتى رضع رضعات متعدده شب ذلك وصار من العلماء فكان اذا تكلم ربما ادركته حبسه وهو يتكلم وليس على شان ابيه وكما تعلمون ان اللبن منسوب الى الوالد فيقال لها كيف ادركتك تلك الحبسه وانت ابن فلان فقال هذا من اثار الرضعه الاولى. Et certains hommes de science qui étaient connus parmi les étalons d'Al-Marbar au niveau des exhortes. Et il était d'une grande influence sur les gens. Et il s'occupait, il donnait l'importance au fait de l'allaitement de ses enfants. Tel point qu'il était très sévère sur ce point-là. Et il voulait savoir qui allait de ses enfants. La femme doit l'avertir, qui c'est, pour savoir est-ce que il va lui donner vraiment l'enfant à l'été ou il ne lui donnera pas. Un tel jour, quelqu'un est venu à la maison. Et c'est une femme qui allaitait. Et son fils, l'un de ses fils, a été allaité plusieurs fois de cette femme. Et ce jeune, ce petit, a grandi. Il est devenu un homme de science. Mais quand il parlait, il avait quelque chose qui l'arrêtait. Il y a quelque chose qui l'arrêtait. Et les gens l'ont regardé et le dit, mais ton père n'était pas comme ça, parce qu'on sait que le lait a rapport avec les gènes du père. Il dit, mais ton père, il n'était pas comme ça. Comment toi, t'as attrapé ce hic-là? Alors que tu es le fils de tel. Il a dit, ça, ce sont les traces des premiers allaitements. C'est-à-dire qu'il a été allaité par quelqu'un d'autre. Mais regarde à tel point. Les hommes de science faisaient attention au niveau de l'éducation. Chose que nous, peut-être que si on n'a pas entendu cet athar maintenant, peut-être que ça ne serait même pas vu à l'esprit. فَالرَّضْعَةُ مُؤَثِّرَةٌ وَلَا شَكْ وَالرِّضَاعُ مُؤَثِّرٌ. Il n'y a aucun doute que l'allaitement a un impact. وَكَذَلِكَ رِضَاعُ الْآرَاءِ رِضَاعُ الْأَفْكَارِ فإن الذي يقبل على الخير ويقبل على الاستقامة يرضع من الخير والهدى بحسب من يخالطه. Et aussi il en est même le fait d'être allaité avec les pensées. Les pensées tu les gobes à l'islam. Les avis tu les gobes comme tu têtes le lait. La même chose. Et celui qui accourt vers le bien et qui va vers le bien, elle tête le bien selon les gens qu'il fréquente. si la personne, quand il vient de rentrer dans la religion, quand il commence à prendre la droiture dans la religion, selon ce qu'il va trouver devant lui, parce que il est sur le chemin, donc il va être allaité. Soit il va être allaité avec les bonnes pensées et avec la sunna de Mohammed alayhi salatu wasalam, soit il va allaiter, il va gober les ambiguïtés et les étoiles d'araignée. Hein? L'un ou l'autre, selon ce qu'il va fréquenter, selon les fréquentations. فَإِذَا أَدْرَكَ بَعْدَ ذَلِكَ زَمَنْ وَاسْتَقَامْ وَأَقْبَلَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ صَارَ لَا يَحْتَاجُ فِي الْغَالِبِ إِلَى مُوَجِّهِ. Et quand la personne évolue dans le bien, etc., et quand il acquiert la science, etc., il n'a plus besoin d'orientation. Il sait où il est là-bas. Et quand il a ses règles, nous maintenant, on est perdu, on n'a pas de règles, on n'a pas de fondement. Donc on est obligé de s'orienter vers qui de droit, qui sont les hommes de science, pour nous aiguiller, pour ne pas tomber et gober n'importe quoi. Hein? Et gober n'importe quoi. Et combien les ambiguïtés et les fausses idées sont nombreuses et nous entourent dans tous les coins de rue. Quels nous devons faire très... très attention. فإذا أدرك بعد ذلك زمن واستقام وأقبل على الله عز وجل صار لا يحتاج في الغالب إلى موجه يجب عليه بعد ذلك أن يتأمل نفسه في هذا الأمر. Et donc quand il acquiert les règles, etc., qu'il n'a plus besoin, il sait faire la part des choses, dans ce cas-là, son devoir c'est quoi? Méditer sa situation et se poser des questions sur lui et avoir des haltes avec lui-même pour faire les comptes avec soi-même. Pour aussi nettoyer son nefs de ses passions. لأنه ما استقام ولا راغب إلا رغبة في أن يكون الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام أحب إليه مما سواهما. Parce que pourquoi il a pris le chemin droit? Hein? Et pourquoi il a appris le chemin de l'obéissance? Hein? C'est pour que Allah subhanahu wa ta'ala et son messager soient ce qu'il aime le plus dans ce bas monde. Hein? Et le moyen pour arriver à tout ça, c'est délaisser les passions, sauf dans l'obéissance à Allah azza wa jal et à son messager. Tu délaisses tes passions et tu les mets de côté. Mais tout ce qui est dans l'obéissance à Allah, tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala te demande, tout ce que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam te demande, il faut que tu l'accomplisses à l'islam. يقول الشيخ وهذه مسألة مهمة ينبغي أن تتدرسوها وهي أن المرء في أول إقباله يعلق بذهنه أشياء وبقلبه أشياء فقد لا يستطيع التخلص منها. Il dit, حفظه الله تعالى, ceci est un sujet très important qu'il faut étudier. Car l'être humain, au début, quand il revient vers Allah subhanahu wa ta'ala, quand il revient vers l'obéissance, dans son esprit s'attache à certaines idées et certaines choses duquel doit se débarrasser. Quand ces choses sont incompatibles et en contradiction avec ce que veut Allah et ce que nous a enseigné le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il faut qu'ils s'en débarrassent. إلا إذا حزم على نفسه وخلص نفسه من الهوى وأقبل على تحكيم العلم وتحكيم الكتاب والسنة. Et ceci, il va y arriver comment pour s'en débarrasser? Quand il prend la ferme résolution sur lui-même et qu'il se débarrasse de ses passions et il s'acharne à soumettre son nefs à ce que veut Allah subhanahu wa ta'ala et à soumettre son nefs au livre d'Allah et à l'authentique de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وهذا ولا شك يتطلب من المرء جهدا ويتطلب من المرء حسن توكل من الله جل وعلا وفي ذلك أعظم الأطر أعني عظم التوكل على الله عز وجل. Il dit ça, il y a aucun doute, ça demande de nous quoi? Beaucoup d'efforts. Ça demande de nous beaucoup d'efforts. Et que l'être humain doit faire confiance à Allah subhanahu wa ta'ala, s'appuyer sur Allah subhanahu wa ta'ala, et ceci, c'est un grand impact sur le fait de faire confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. يقول الشيخ هذه مجموعة من الوصايا اقتضاها الخاطر المستعجل ولعل فيها كفاية. Il dit, حفظه الله تعالى, ce sont certains conseils que il lui était imposé par le temps et qu'il l'a dit et que Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse profiter de ces conseils, hein, de cet homme de science qui est Cheikh Saleh al-Sheikh Hafidhahullah Ta'ala, et que ces conseils soient un jalon pour nous, pour œuvrer dans la voie qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بارك الله فيكم واحسن الله لكم جزاكم الله خيرا.